plus d'informations, composez le 514-499-9239 ou visitez notre site web au www.festivalnuitdafrique.com. Ici Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux. Depuis plusieurs semaines, la vaste opération de vaccination contre la grippe AH1N1 bat son plein à travers le Québec. Déjà, plus de 3 millions de personnes ont pu se prévaloir de cette protection. À l'approche de la période des fêtes, un moment de l'année propice aux festivités et au rapprochement, je vous invite à poser un geste de solidarité en vous faisant vacciner. Non seulement vous profiterez ainsi de la meilleure protection, mais vous offrirez également aux personnes qui vous sont chères un cadeau inestimable. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Choc. Bonsoir, en manchette ce soir, un spécial Noël, parce que ça va être Noël, dernière de la saison. On a plein d'invités, plein de surprises. Plein de nouvelles de la semaine passée que j'ai pas faites parce que j'étais pas là. Alors, vous écoutez Choc FM sur les ondes de 70%. Qu'est-ce qu'on se bourre? Le thé s'ennuie sous les stars d'académie. Sommes-nous des doutants? Doutants du temps doux? Vacant dans les chanchoux, les chanchoux, chanchoux. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent. Tellement faites fort, du bon bon bon fort. Chaton, tweeton, mais doutons encore. Oh, oh. Question de réponse bidon, pas de mouille, rien de méchant. Pas de bêtises, plus le Jésus, les douteux, doute à nu, tout à nu. Quand la cloche sonne, un bon doute donne son 70%. Minimum, minimum. J'étais à la recherche de Hugo Boss, notre bon ami ici, qui aurait pu faire un beau petit speech pour introduire l'émission. Qu'est-ce que j'entends dans ta bouche, Étienne? Ce sont des menthes françaises. Des menthes françaises? Comment ça, t'as ça? Ha! Imaginez-vous donc, c'est notre ami et fan inconditionnel Lilian Chute qui nous a envoyé un magnifique paquet contenant plein d'affaires le fun, apparemment, mais moi, j'ai vu des menthes parce que Tommy l'a ouvert avant puis il a tout mangé. Voilà, j'ai été manipulé. Okay, on a des menthes Vichy. Des bonnes menthes, là, c'est vraiment... Puis, tu sais, ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux en manger plein, puis tu t'annes pas. Non, non, puis, ça goûte t'sais, pas c'est pas comme, mettons, des biscuits aux guimauves et au chocolat, tu sais, mettons que ça, mettons... ça serait tanné après un ou deux, facile, tu sais. Puis que, tu sais, moi, j'avais déjà reçu un mail que ça disait, les oursons, ça va être pour ton fils, puis là, il n'y a pas d'oursons. Ah, c'était pas les oursons, c'était les autres. Je sais pas, moi, il m'a dit qu'il y avait les oursons. Ah. Puis là, j'ai une facture ici qui me dit que les menthes ont coûté 1,22 €. C'est quand même pas cher là, pour tout le gros sac. De plaisir que vous allez pouvoir vous partager. Je vais juste dire à tout le monde que si Lilian Chute avait eu la carte fidélité, en allant acheter toutes ces denrées-là, il aurait accumulé 13 smiles. Que Lilian, c'est quoi faire? Bon ben, cela dit, c'était comme mon mea culpa, là. Je suis vraiment désolé d'avoir tout mangé ça. Non, mais on les menthes sont encore bonnes. Longtemps. Les menthes sont vraiment bonnes. On a hâte en maudit d'avoir un verre de lait pour pouvoir mettre du banania dedans aussi. Oui, ça va être cool. Il reste du banania. Demain matin, man. Au-delà de la culpabilité, on a quand même Alex de Alex et Arnold qui est ici avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Alex. Et voilà, il vient de choisir un micro. Je ne suis pas habitué d'être à radio. Là, fait que non, c'est pas grave, nous autres non plus. J'ai comme trop de micros, ça me. J'ai le goût d'aller partout un peu. Fait que je vais nulle part au bout du compte. Oh, Evelyne Potvin Cloutier, est-ce que tu as réussi à faire imprimer ton affaire? Elle a fait ça à la main, je pense. Elle a fait ça à la main. Elle est pas mal bonne avec ça en plus. Ouais. Rendu là, c'est le roi Enoch qui a été voté ce soir au site www.douteux.org. Non. Ça marche pas pantoute. Et puis, ben moi, ça, j'ai fait un beau petit texte sur mon ami que je suis allé voir. Il y a quand même, ça fait 5 ans déjà que je suis allé interviewer le roi Enoch. C'était cool, hein, ça? Ça, c'était dans le bon vieux temps. On l'écoute encore souvent au visionnement ou deux. Hey, ça plus... Jamais au complet. Non, c'est pas facile. des bouts. Là, c'est ça, j'essaie de vraiment retomber sur notre ami Kenny Mod. Non, c'est pas vrai, c'est Hugo Boss. Ah, pendant ce temps-là, j'aimerais ça faire tout de suite taire une rumeur qui commence à circuler sur Facebook, Twitter, puis CNN.com, là, comme quoi que je serais comme fâché contre vous autres, puis qu'on serait séparés, puis qu'on aurait la garde partagée une semaine sur deux de 70%. Là. C'est pas vrai, là, c'est rien qui est arrivé une fois, cette affaire-là. Ben, oui. On est ensemble, on s'aime, puis on mange des menthes. Ben oui, on est de plus en plus en demande, fait que c'est normal que l'équipe, faut qu'on la dilue. J'ai trouvé ici le bout avec Kenny Mod, Hugo Boss, pardon. Les femmes québécoises, hein? À s'y méprendre, car les yeux verts et les fesses bombées, ils sont très dangereux. Tu vois? Je vais être franc avec vous, là. C'est dangereux, car elles sont... Qu'est-ce que tu répètes? Elles sont voraces comme des serpents, prêts à... Malaise. À te manger jusqu'à ton dernier sou. Alors, moi, l'amour, je n'y crois pas vraiment. Alors, les femmes québécoises, elles sont bonnes, c'est sûr, elles sont bonnes, mais comme amies, quoi, comme copine d'un soir, t'entends? Une heure de quatre pattes pour ma dose, t'entends? Tu vois comment... Et voilà, c'était donc Hugo Boss, c'est un des sidekicks préférés du roi Enoch. Il a le même genre un peu. Hein. Ouais. On voit pourquoi il s'en va bien. Même le même vocabulaire. J'ai fabriqué un petit lexique, on va revoir ça tantôt. Moi, je les aurais confondus si tu ne me l'avais pas dit. Oui, j'avoue. Hey, on l'avait-tu écrit, la Bamba tranquille? La bambotrice, on avait dû écouter ça. C'est vrai que c'est tranquille aussi. Ouais, elle est assez tranquille. Je vais essayer de la retrouver, parce que moi, j'aimerais ça, la mettre là pour commencer. C'est une bambotrice. J'ai bien aimé l'émission où j'étais pas là, il y a 2 semaines. Je vous ai écouté, puis je vous ai trouvé bon. j'ai trouvé ça bien drôle. Ah, c'est cool. J'ai pas écouté la scène que t'as faite tout seul. Ah, tu m'intéressais pas pantoute. Tu manques vraiment de quoi? J'ai fait jouer toutes tes tunes préférées. Ah ouais? Toutes. Dans le désordre, fait que si ça commence par une de tes pas préférées, ben continue. Faut que je continue. Jusqu'à temps que tu te rendes compte que j'ai dit n'importe quoi. Bon, ben ça va être un Guild Roy, une autre chambre d'hôtel pour commencer 70% qui est rock'n'roll ce soir. Ouais. Il vient de Cadillac, en Abitibi. On dit-tu Cadillac ou Cadillac? On dit Cadillac. Ça dépend si tu viens de là. On en reparle. Ça faisait 3 jours que j'étais parti chanter mes chansons d'amour pour gagner ma vie. Quand j'ai poussé la porte, j'ai tout compris que le diable m'emporte d'avoir fait le lit. Il manquait des chemises, de la télé couleur, la chatte de Nice et ton vibrateur. Tu m'as laissé une note, chérie, je te quitte pour tout ce que tu m'as fait et ce que tu faisais trop vite. Je te jure qu'un jour je t'aurai dans le détour. Je te jure qu'un jour tu vas payer pour une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. T'as pris la clé des chambres au beau milieu de la nuit, la clé de l'appartement qui était sous le tapis. T'as brûlé ma photo dans le lavabo, t'as piqué tout partout ma poupée vaudou. T'as mis mon cœur de rock dans ta valise, mon ego de phoque sur la banquise. Je m'en vais manger des kilomètres pour oublier tout ce que tu m'as fait manger. Une autre peine d'amour, une autre chambre d'hôtel, une autre chambre d'hôtel. Je te jure qu'un jour je t'aurai dans le détour. Une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. Dans d'amour, une autre chambre d'hôtel, une autre chambre d'hôtel. Je te jure qu'un jour je serai dans le détour. Je te jure qu'un jour tu vas payer pour une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. Yeah. Tout le temps de même, une chambre d'hôtel et une peine d'amour. Tout le temps, moi, à chaque fois que je suis allé à l'hôtel, ça a mal fini. Bruno Corbin, à l'international. Oui. Bruno Corbin, c'est un Bruno Corbin moyennement fiévreux à l'international ce soir qui vous parlera du haut de sa dyslexie latente. Ça vaut la peine qu'on te mette un thème quand même. On y va, ouais, si vous voulez. Ouais, c'est comme tu veux. Ok, allez-y. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. L'humanité go west avec Bruno Corbin. D'accord, alors on va y aller tout de suite pour Noël, des nouvelles de Jésus-Christ. Ah, comment il va? Alors, Jesus Christ, il habite à Jefferson County et c'est maintenant une femme. Elle était en charge. Hein? En fait, on sait qu'elle existe, elle a été appelée pour être jurée la semaine dernière lorsqu'on lui a demandé son nom. Les gens ont semblé surpris de sa réponse de Jesus Christ. As-tu un nom de famille ou c'est Christ? Christ, son nom de famille. Les officiels de la cour lui ont demandé une preuve. La femme de 59 ans, qui portait jusqu'à récemment le nom de Dorothy Lola Killingworth, a présenté son permis de conduire, confirmant ses dires. Christ a été refusé comme jury car, selon le bureau du juge Clyde Jones, elle perturbait la cour. Au lieu de répondre aux questions, elle en posait, ce qui nous rappelle tous un certain... voilà. Jesus Christ. Jesus Christ, voilà. Ah, il y a un autre. D'accord. Tu veux en avoir tout plein, toi, à part de ça? Ouais, pas si pire, là. L'aéroport de Miami a reçu un téléphone et un courriel cette semaine affirmant qu'une bombe avait été posée sur un avion d'American Airlines. Les policiers ont fouillé l'avion, le dit avion, mais n'ont pas trouvé la bombe. Les enquêteurs ont retrouvé la personne ayant envoyé la menace par le courriel qui a été envoyé. La femme de 31 ans a été arrêtée. Lors de son interrogatoire, elle a affirmé qu'elle avait causé le retard de son patron à l'aéroport et elle croyait qu'une alerte à la bombe allait lui permettre d'attraper son vol. Bravo! Aïe, ils sont créatifs. Modèle. Uh-huh. Voilà. Oh, elle va avoir son bonus, inquiétez-vous. La légende le dit. Hey, ben merci Bruno. On va avoir besoin encore de ta sagesse un petit peu plus tard dans l'émission. D'accord. Pour l'instant, on va aller se promener dans les méandres nauséabonds, si on peut appliquer ça au son. Oui, nauséabonds sonores. Je me prends un autre menthe. Hey, j'en ai plus, moi. La menthe des champions. Vous ne voulez pas tout. Ça passe au travers de la vitre. Les Vichy ne traversent pas les vitres. Le son d'aujourd'hui. Là, ça fait de la petite poudre quand on la piche, par exemple. Oui, c'est bon. Les concierges vont être contents. Ouais. Donc, je voudrais d'abord commencer en refaisant jouer les extraits que j'ai le plus aimé de l'émission ou que j'étais pas là. J'ai bien aimé cette bout-là. Ben là, il va falloir que j'aille d'une autre manière chercher notre Toon Thème. C'est super intéressant, tout ça, ce qui se passe. Parce que là, on est en manque d'Étienne Forêt, donc... Tout de la faute à qui? À cause d'Étienne Forêt. C'est de la faute à Étienne Forêt. Si vous trouvez ça plate en ce moment. Personnellement, moi, je trouvais ça super le fun. Je trouvais vraiment pas ça plate. Il y a aussi ce bout-là qui était cool. Il est fermé, son cellulaire. Ouais, on est bien, j'espère juste que c'est quelque chose qui est arrivé à Anthony, pas à lui. Ça, j'ai trouvé ça bien drôle. Puis quand je découpais l'extrait tantôt, Anthony était à côté de moi en train de faire ses devoirs. J'étais obligé d'y expliquer que c'était Bruno Corbin. Que tu sais. Là, tout de suite, il a compris. Et puis aussi, ben, je fais juste un petit montage de trois extraits que j'ai trouvé intéressants, surtout quand on les met ensemble après l'autre. Ah, ben voilà, nous sommes de retour. Maintenant, voici les manchettes internationales. Avec Bruno Corbin. Tintin! Fait Fait que ça, c'était pas mal d'un condensé de l'émission du 30 novembre. Si vous avez entendu ça, si vous êtes bon, le reste, c'était moins le fun, mais ça, c'était vraiment bien. Donc, aujourd'hui, j'ai des tunes de Noël encore une fois, parce que, tu sais, c'est le mois de Noël, puis on peut pas faire autrement que de faire jouer des tunes de Noël. J'ai apporté des vinyles aussi avec moi pour montrer aux gens les jolies pochettes, les auditeurs, tant pis pour vous. Vous avez au moins le son. Dites-vous que c'est ça. J'ai le goût de commencer tout de suite dans du solide avec l'album de Noël de Chantal Perry. Parce que Chantal Perry, qui vous rappelle d'ailleurs que le temps des fêtes, c'est pas obligé de coûter cher. Vous pouvez aller voler vos cadeaux au Labé et au Sears qui dénonçaient la convergence en même temps. C'est ça, oui. Alors, sur son album, on a une photo de Chantal Perry comme tout enneigé, plein de neige partout, puis on voit pas vraiment bien. On a vraiment l'impression, en fait, que c'est juste comme un vieux disque qu'on a laissé qui a pris traîner l'eau. À terre. Là, ouais, qui a pris l'eau. Face down dans de la mélasse, mettons. Genre. Et finalement, non, parce que c'est écrit par-dessus la saleté, puis genre de fausse dédicace. Et ça dit « Quelle que soit ta couleur, ta race ou ton pays, laisse parler ton cœur, c'est Noël aujourd'hui » et c'est signé Chantal. Et puis, c'est le fun parce que le premier mot, c'est « Quelle que soit ta couleur ». « Quelle que », ben, il est écrit en un seul mot. Fait que premier mot du disque, une faute d'orthographe. Je dédie ça à Benoît Mercier qui pioche fort pour son français. Même les grandes vedettes, tu vois, Benoît, il arrive pas aux autres non plus. Les grandes vedettes. Comme Chantal Perry. Fait que là, il y a plein de monde tout le temps qui me disent, tu sais, comment ça, les tunes de Noël, c'est tout le temps même maudite tune, il y a personne qui invente des nouvelles tunes. Ben, et voilà, c'est fait. Cet album-là, qui date de, je sais plus quand, en fait, les années 70-80, c'est toutes des nouvelles tunes. Toutes. Qu'on n'a jamais entendues. Pour tout le monde. Et même depuis que cet album-là est sorti, on ne les a jamais entendues non plus. c'est toutes des tunes de nouvelles de Noël. Fait que, il y en a une qui est très courte. 34 secondes, je pense. 34 secondes. Ouais, voilà. Je veux l'entendre, celle-là. Moi, j'aime ça, les tunes courtes. Elle s'appelle comment encore? Elle s'appelle La Colombe. La Colombe. Alors, on écoute ça. Ouh! Il reste pas beaucoup. La colombe de paix est descendue du ciel. C'est André Sylvain, le mari de Chantal. Et le canon se tait, car partout, c'est Noël. Partout, c'est Noël. Ouais, ben moi, Bruno, là, je pense vraiment que c'est des affinités créatrices avec Chantal Paris. Ouais. Moi, je trouve que ça a l'air d'une annonce de quelque chose. Ben oui, ouais, moi aussi, c'est ça. C'est comme ça, 34 secondes. Là. Ouais, puis, elle voulait montrer qu'elle était capable. Capable de faire des jingles, s'il le faut. On va augmenter un petit peu la durée. J'ai une tune ici de 54 secondes qui s'appelle « Ta couleur ». Ça vient du même album. Ouais, c'est ça. C'est un album concept de Noël. Ouais. C'était juste après l'album jaune. Est-ce qu'on si on l'écoute d'un bout à l'autre, y a-t-il une histoire ou quelque chose? Non. Non, vraiment. C'est pas comme une longue tune de Noël. Non, c'est pas Pink Floyd. C'est pas comme le Quelle que soit ta couleur. Ah, y a-t-il la faute dans les paroles de la tune? Ta race ou ton pays. Ta race ou ton odeur. Parce que le petit dédicace que j'ai lu au début, ben, c'était ça, finalement. Mais dans les paroles de la toune, il n'y a pas la faute. C'est vraiment juste sur sa pochette du disque, c'est sur le dessus. Sinon, ben, il y a une autre toune fort touchante sur cet album-là qui s'appelle « Bonhomme Noël ». Ça raconte un peu l'histoire d'un gars qui fait le Père Noël dans un centre d'achat, puis que là, tout va bien, puis il est joyeux, puis il rencontre des enfants, puis il fait la joie. Puis là, après ça, à un moment donné, Noël passe, puis là, il redevient rien qu'un autre loser qui n'a plus de but dans la vie. Parce que c'est connu que les Pernels de Saint-Bernard ne font rien que ça. C'est ça. Ils n'ont pas d'autre job le reste de l'année. C'est pas. Ben, il y a une autre job dans la chanson, mais c'est pas une job qui apporte la joie. Ah, pas comme pas autant qu'être Pernel. Exactement. C'est vrai que c'est tough à battre en termes de job. Si la vie est belle, car au rayon des beaux joujoux, les enfants grimpent sur tes genoux. Ça ressemble un peu à Bang Bang. La vie est belle, les enfants grimpent sur tes genoux. C'est là le bout là que ça donne du chant. Non! Touchez-vous. Mais C'est pas un homme, tu seras plus qu'un homme. Puis regarde la réalité qui se rattrape en pleine face. Il y aura les factures à payer. Oh non. Ton garçon qui s'est enrhumé. Encore. Il y aura ta femme qui t'a quitté. Loser. Oh, là, ça va pas bien, c'est l'enfant, ça va. Il y aura la vie qui recommencera. Il y aura ton genre qui va être frappé. Il y aura ta vie de journalier. Comme si le rêve n'existe pas. La la la, bon, c'est assez. Hey, merci, merci. J'ai remarqué aussi à la pochette, là, ça a vraiment pas l'air d'y tenter que la visite arrive. Non, pas tant que ça. Hein. Mais tu sais, c'est sûr, des tunes ben, de Noël. Ça a l'air de des tunes de Noël plus déprimantes que d'autres choses. Exactement, là. C'est pour enlever la c'est joie. Le vrai tu sais, il y a tes enfants qui vont être morts. Le gars, il a ses factures à payer, son fils pogne le rhume, puis sa femme le quitte avec le voisin d'à côté, tu sais, pendant qu'il était dans le centre d'achat. Hey, j'avoue que c'est... C'était pas une union. C'est peut-être pas une super bonne idée d'aller apporter de la joie à des enfants dans un centre d'achat. Il aurait peut-être dû fourrer sa femme à la place. C'est ouais, ça que t'es en train de dire. S'occuper de ses enfants, ça la rend malade. C'est ça la morale de la pas transmettre le rhume des autres enfants. <C'est ça. rire> Il y avait même pas la H1N1 dans ce temps-là. Non. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire. Hein, c'est de t'en passes-tu une autre avant qu'on aille poser des questions à notre ami Alex? Oui, je vais en passer une autre. Je vais en passer une solide là, qui vient de ce magnifique album de René et Nathalie Simard. Ah ben! Ouais. René ils ont Nathalie, fait des disques ensemble, eux autres? Ben, plus ou moins. En fait, ça, c'est pas ensemble tant que ça. Okay. Dans ce cas-ci, c'est juste un ramassis de chansons des deux. 20 souvenirs de Noël. Ah, il y a un côté René puis un côté Nathalie. Exactement, face A, René Simard, face B, Nathalie Simard. Mais sur la face, je ne sais plus si on est de face, en tout cas, il y a une toune qui a les deux dedans. Et puis, c'est ça, c'est sur la face B, Noël des enfants. Et puis là, mais moi, un conseil que je donne à tout le monde qui cherche de la cochonnerie, quand vous regardez un disque, puis là, vous n'avez pas le goût de tout l'écouter pour trouver les bonnes tounes, parce que des fois, c'est long. Si vous regardez rien que les titres, des fois, on passe par-dessus quelque chose. Il faut regarder aussi les crédits à chaque chanson. Puis là, celle-là, ben, c'est crédité à Ono et Lennon. Fait que là, on le sait que ça va être bon. Fait qu'on écoute bien qu'elle, puis c'est correct. Fait que mettez le son assez fort au début, mais préparez-vous à le baisser, là, parce que ça commence par des petits chuchotements. Joyeux Noël, René. Joyeux Noël, Nathalie. Revoilà Noël. Oh, là, j'arrive. Comme à tous les ans. Ah, ça fait du bien quand même. Sa neige nouvelle. Berce la redondance tout le temps. Et puisque c'est Noël, ils ont accroché. Je suis tellement contente d'être avec vous autres. Ah, moi aussi. C'est vraiment. Sur la cheminée. Joyeux Noël à tous les ans. Et la vie je pensais que Tommy quittait le studio, mais j'ai juste vu cette tête une mante après avoir mangé tout le reste du paquet. Je pense qu'on sort du cadre de la chanson de Lennon. Légèrement, oui, ça fait rapport avec le message. C'est pour ça qu'il y a Gibertion aussi dans les crédits. Ouais, qui a écrit les paroles en français. Dormez dans vos langes. Hey, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment impressionnant. Moi, juste qu'on peut tu baisser ça lentement puis voir Alex un peu. Là. On va la garder en background. Alex? Salut. Merci beaucoup de t'être déplacé. Et d'être, merci pour l'invitation. Oui. Ah, oui. Ben, ça va peut-être Arnold, lui, n'est pas venu. Arnold est tout le temps là. Il est dans nos cœurs. Je peux jamais vraiment sortir si Arnold n'est pas avec moi. Là. est-ce que tu penses qu'Arnold est en chacun de nous ou c'est juste toi? Non, il est un petit peu en chacun de nous. Là, c'est pas... Mais un peu plus en toi. Un petit peu plus en moi parce que, je veux dire, tu t'es fait son proche, prophète. Dire que, il y a une connexion. Et la voix. Une connexion que j'entretiens régulièrement. Là. C'est vrai. C'est fabuleux. Moi, je l'ai découvert, en fait, c'est à la foire l'année passée. Il était venu nous faire un numéro. Il y avait... Predge, il m'avait présenté Alex. Il a dit, c'est un gars qui fait des chansons sur Arnold Schwarzenegger et les moitiés de fruits. Et ça résume j'ai bien. J'ai été très, très bien impressionné. Alex, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ça fait... j'ai commencé il y a longtemps, là, mais à un moment donné, des fois, t'es pas toujours sérieux dans ta démarche. Fait que tu... Une année où est-ce que tu fais pas grand-chose, est-ce que ça compte pour une année, je sais pas. Mais bref, j'ai commencé à jouer de la bass quand j'avais 17 ans. Ah, voilà. Et voilà. Fait que ça fait une dizaine d'années. Là. Ah, parfait, ça. Puis, moi, j'ai déjà entendu parler de musiciens qui avaient un deuxième projet. Ça arrive des fois que... Tout, à part Alex et Arnold, est-ce que ton âme appartient à une autre band? En ce moment, à deux autres bands, mais un qui n'existe pas encore, donc je peux pas vraiment encore le plugger. Là, ah, c'est... C'est ça, mais on travaille là-dessus depuis un bout de temps. Mais je fais partie d'un band punk aussi. Je suis bassiste dans un band punk anglophone nommé The Captains, que vous pouvez entendre sur MySpace. The Captains. The Captains Rock, MySpace.com, The Captains Rock. Yeah. Puis ça fait, comment dire... Hey, c'est fatigant, cette toune-là. Ça fait un bel à côté avec l'aventure d'Alex et Arnold, qui ne ressemble pas du tout à un groupe de rock punk anglophone. Vraiment. Effectivement. Puis c'est quelle la chanson que tu vas nous faire en commençant? Je vais y aller avec une chanson qui s'appelle « L'amour à 13 ans ». Je pense que c'est du nouveau pour tout le monde ici. Pas pour Roger Normandin. Peut-être pas, là. Il y en a peut-être qui l'ont déjà entendu. Merci beaucoup, Alex. On te laisse aller. C'est une blague à l'inside parce que Roger Normandin, c'est quelqu'un d'important pour 70%. Il faudrait l'inviter à un moment donné. Ouais. Faudrait. Donc là, j'ai aucune idée si on m'entend comme faux. Si, ouais, tout va bien aller. Tout va bien aller, fait que j'y vais. Je me laisse aller à mon émotion. Dans mon lit, je pense à toi, Rosalie. Ce n'est pas de la géographie que je fais avec toi. Quand je tombe endormi, tu trouverais ça dégueulasse. Ô toi la plus belle de ma classe. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam, da-da-da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam, da-da-da-dam, da-dam, da-dam. Quand il est dans son lit, mon ami Paul pense à toi, lui aussi. Quand tu apparais dans ses lubies, il fait des progrès en biologie. Tu trouverais ça dégueulasse. Mais ta méthode est la plus efficace. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam, da-da-da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. Mes paroles si sincères te plaire. Mais je sais qu'au fond tu es une dingue aussi prétentieuse qu'insignifiante. Alors à quoi bon que tu te plaignes? Il vaudrait mieux que tu t'en vantes. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam, da-da-da-da-dam. Merci. Viens-tu nous raconter une histoire vécue? Ça se peut-tu? Non, j'ai pas joué au Téléthon. Ou à la foire, il me semble, j'ai entendu. Oui, j'ai joué, mais j'ai joué la première fois, justement, que j'étais passé à la foire du Touteux. C'était l'année passée? L'année passée. Pas cette année, t'es ça? Pas cette année. Est-ce que ça raconte une histoire vécue? Ben, oui. Rosalie, elle existe, c'est pas vrai. Quand t'arrives au secondaire... Oui, c'est ça. Chaque 15 minutes recèle son lot d'imagination, on va dire. Ou vice-versa. Hey, merci beaucoup, Alex. Garde ça pas trop loin, tu vas en faire d'autres tantôt, d'accord. C'est sûr. Claude? Hein? Allô? Tu parlais de quelque chose? Ben oui. Je suis ici pour ça. Hein, ben oui, on va t'écouter. Mon gars, moi, je dis que c'est à ton tour. Laisse-toi aller. Moi, qu'est-ce que... En fait, c'est plus pour mes résolutions pour l'année prochaine. Parce que... la semaine passée, pendant que je faisais partie de l'équipe B avec DJ George... Grand moment de radio. Ouais, un grand moment de radio. J'ai parlé de la culpabilité. Donc, je survolais rapidement comment on aime se faire sentir coupable. Je parlais de Live Aid et puis en sortant, Étienne m'a fait réaliser que j'avais ouvert comme une boîte de Pandore. Juste, si vous avez écouté l'émission depuis le début, vous avez entendu notre vénérable ministre de la Santé nous ordonner d'aller se faire vacciner. Nous fortement suggérer pour la santé de nos proches comme un cadeau inestimable. C'est ça, oui. Sinon, on pourrait contaminer les autres. Fait que déjà, on joue sur la culpabilité ou la série de petites cartes postales de Noël que tout le monde a. Joyeux vaccin, vive la liberté, vive le vaccin. Il y en a une que c'est un joyeux Noël avec vaccin où tout le monde est de bonne humeur. Et l'autre, c'est un joyeux Noël, mais les sans vaccin. Parce que, en tout cas, on joue beaucoup sur la culpabilité. Pas de vaccin, tu frenches pas. Mais non. Tu frenches pas, tu fourres pas. C'est la fin du monde. Tu peux frencher les personnes vaccinées? Oui, c'est voilà. C'est ça. Merci. Mais pas toi si tu l'es pas. Ouais, mais si tu l'es pas et tu frenches une personne vaccinée, est-ce que ça marche? C'est là qu'il faut que tu te sentes coupable. Il peut rien arriver. Y a-t-il quelqu'un ici qui a été vacciné par hasard? Moi. Moi. OK, bon. Frenchez-moi. French me, I'm vaccinated. Ben, c'est un tiers du monde dans le studio. Quoique, il paraît qu'au Québec, on est rendu à 50%. Hey, en passant, on est rendu quasiment 8 millions au Québec, hein? On pourrait plus dire 7 millions, on est rendu à 8. Ben oui. 7 millions, 800. Attention, Ontario, on s'en vient. Ah, mais là, il y en a à moitié qui vont mourir, qui sont pas vaccinés. Fait qu'on se tombe à 3 500 000. Ouais. Mais ceci dit... bon, c'est sûr que j'essaie d'être ici le plus souvent possible, mais j'ai pas une présence 100% régulière. Mais dans le futur, je compte bien parler... de culpabilité sur tous les aspects, mais surtout au point de vue société et comment on joue sur la culpabilité des gens, soit pour leur faire des affaires, soit pour leur faire donner de l'argent, ou ça c'est encore mieux. Faire peur pour se faire vacciner. Ouais, entre autres, ou acheter des choses. Hein. Comme à Noël. Comme à Noël. Parce que si t'achètes rien, t'es pas un bon fils. Exactement, c'est la fête de la culpabilité et non celle de la naissance du petit Jébus. Ben là... Il faudrait se sentir coupable parce qu'on n'avait pas pensé que c'était sa fête. Moi, j'ai jamais aussi remarqué... Tu sais, je veux dire, il faut donner des cadeaux parce que les rois mages ont amené des cadeaux. Mm. Ils ont pas focusé, mettons, sur chauffer à l'âne puis au bœuf. Non. Ils auraient pu dire... Journée de Noël, on s'ajoute un âne. Puis on bête, oui! Puis on chauffe à ça tout le j'aimerais ça! Mais j'adore les âmes! Wow! Je vais pouvoir faire des liens tantôt dans ma chronique, c'est fou! Non, mais c'est juste. C'est vraiment mon plus grand rêve, c'est d'avoir un âne. Ah ouais? Ouais. Puis, ben oui, hein, moi, je vote pour que le 1803 Saint-Christophe ait son donkey. Les voisins en bas, ils s'en servent pas de la cour, là. C'est vrai, bon. Ah, on leur en parle, là? Ah, ben, je serais vraiment. Puis c'est qui qu'il y a sur la porte? de, tu sais, la porte du 1803, c'est qui? C'est Eddie Murphy. C'est qui fait la voix de Donkey dans Shrek? Ah, tabarnane, que de bien. Eddie Murphy. Puis Eddie Murphy, il fait le Dr. Dolittle. Il pourrait sûrement parler aux ânes. C'est que des signes. Toutes ces coïncidences. C'est Noël. Ouais, mais c'est Noël pour moi aussi. Je suis vraiment heureux. une petite manche. Il en perd son micro d'émotion. Ah, ben, merci beaucoup. Là. Bien sûr, l'équipe B de 70% va gagner des levels tranquillement, puis on va pouvoir l'appeler l'équipe bêta à un moment donné. Équipe B+. Ça va être tellement différent, oui. Rendu là, je pense que ça me tente d'aller écouter la Bamba triste. Moi aussi. En revenant, je vais parler du Roi Enoch. Vous allez voir, juste après la toune, je vais mettre les 6 premières minutes du DVD qu'on va écouter. Oh. C'est fort. C'est le Roi Enoch, les mathématiques du... Ça dure combien de temps, le film? Ben, c'est... trop long. 40 minutes plus 30 minutes pour les extras. Donc, 1h10. 1h10 de Tantan Putneg, c'est moi qui ai raison. Rive-Sud. Rive-Sud, Tantan. Les billets sont entassés dans les réfrigérateurs. La bambatrice, Pierre Billion. On sait pas ça vient d'où. Si vous en avez d'autres, on les veut. N'as-tu d'autres, Pierre Billion? Je pense pas. Go, Pierre. S'il y en a d'autres, on en veut. Pierre, on est avec toi. On t'aime, Pierre. Elle est vraiment bonne, cette tune-là. Le gars est super musclé, en plus, finalement. T'as-tu le... Je me sens... T'as-tu une vidéo qui joue? Comme une bamba triste. Comme une Marseillaise en mineur jouée par un flûtiste autodidacte sans tact. Je me sens... Comme un producteur gros cigare qui lit le score à l'envers et en plus... Celui qui lui touche le pied chaque fois que c'est le premier temps. Je me sens définitivement comme une bamba triste. Définitivement comme une bamba triste. Je me sens comme un accord yougoslave auquel on aurait cruellement interdit l'entrée de la belle ferronnière. Pierre Billion. On a dansé. On a dansé, définitivement. Tout le monde s'est repitché vers son micro pour être là à temps. Comme je t'arrivais avant tout le monde pour prendre plus de menthe. Et encore plus de menthe. Plus d'avance, plus de menthe. Toujours plus de menthe. Hey, Alex, va falloir que tu prépares un petit éducatif. On va te demander ça tantôt. Là, genre, je m'appelle Alex et moi et Arnold, quand on se fait des massages, on écoute 70% ou ce que tu veux. Là. OK. Vraiment. Okay. C'est pas obligé d'être exactement ça. Okay. Ouais. Laisse aller ta créativité. Je comprends le principe. Mais essaye de rester comme, tu sais, essaye de parler d'Arnold puis de massage le plus possible. Sinon, on était supposé s'en aller vers l'aventure du roi Enoch, mais j'ai eu oui dire qu'on était pour avoir le lutin Bertrand en onde. Oui. Bertrand? Bonjour. Salut Bertrand. Moi, ça fait un an qu'on s'est pas parlé, mon gars. Tu t'es dans le toupette, là? Ouais, ben c'est que je suis débordée là ces temps-ci, je peux plus rien faire là, je peux pas aller vous visiter, je suis obligée de tout acheter les cadeaux puis les emballer. Ouais, c'est long hein. Ouais, c'est pas fou. Tu reviendras au mois de juin là. À quoi que tu prépares le Noël des campeurs. Ouais. T'es un homme occupé Bertrand, mais c'est le fun que t'aies appelé quand même. Ben oui. C'est gentil. Nous autres, on va penser à toi en tout cas Bertrand Lutin. Merci. Est-ce que tu prends comme c'est ton break syndical ça en ce moment ou tu nous appelles sur des heures de bureau là? Ben c'est comme la pause de souper on peut dire. Ah voilà. Okay. Ça mange quoi des lutins? Ça mange du sucre, du chocolat, du miel puis des affaires comme ça. Ah, ah comme moi. Hein? Ça ressemble pas mal à notre alimentation. L'alimentation d'adolescent typique, on va dire. Et puis, est-ce que les lutins se sont fait vacciner? Ah non, ceux ne sont pas fait vacciner. C'est pas encore rendu au pôle Nord. Là. Ah, ouais, les virus fou. Survivent pas là-bas, il fait trop froid. Trop froid. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas fou, ça. Ouais. Fait que, est-ce que tu as eu un cadeau, une demande spéciale cette année? Est-ce que tu as un cadeau qui est sorti du lot? Genre Fidel Castro qui demande 100 ans de plus ou une affaire de même? Non, pas vraiment. Non. C'est les mêmes cadeaux que d'habitude. Que des Nintendo DS, des iPods, des affaires de même. Ouais, toujours des choses comme ça. Là. Ouais. C'est quoi le cadeau qui est le plus en demande cette année? Le cadeau le plus en demande, ça serait... Je pense que c'est le lecteur MP3, je serais présent. Ah ouais. Toutes marques confondues. Ouais. Non, ben c'est pas fou. Ouais, c'est bon. T'en as-tu un, toi, un lecteur MP3? Tu nous avais dit l'année passée que t'étais fan de musique de Noël. Là. Ouais, j'en ai un, je l'écoute encore, là. T'écoutes-tu Radio Cochonnerie encore, des fois? Ouais, il y en a plein de nouvelles qui sortent, fait que j'en profite. C'est bon. C'est bon, Lutin Bertrand. Parle-moi de ça, servir de ses ressources, Lutin, je suis fier. Ouais. Ouais. Tous les lutins qui sont inclus. Lutin, nous autres, on s'en allait écouter des bouts avec le roi Enoch, puis comme il est très, très peu poli avec les êtres humains en général, je pense pas que tu vas aller lui mener de cadeaux, que tu vas fabriquer des affaires pour lui. Moi, je sais, mais parlant de ça, je veux dire que tout le monde à l'émission est sage, sauf Bruno. Je l'ai vu, il est sur la liste des vilains, là, jusqu'à présent. Pas vraiment surpris. Moi non plus, je suis pas vraiment surpris. Fait que là, vous y préparez un morceau de charbon, c'est ça? Pour ouais, c'est ça. Ouais. Ben, on l'a pas encore préparé, parce que c'est facile à faire, là. Ouais. Mais s'il veut qu'on lui donne le nounours, là, qu'il a demandé, ben... Il arrête de tirer ses fils de micro, là. Faudrait que ça reprenne. Bruno, t'es pas de tes Tu l'auras pas dit, t'es vilain. Mais y a-tu encore le temps de se reprendre, là, s'il est gentil? Ouais, jusqu'à il y a le temps, mais il faut vraiment que tu sois très gentil pour que. Mais c'est quoi, mettons, genre, pour compenser, faudrait quoi? Faudrait que je sauve la vie d'un bébé, mettons, genre? Ouais, genre. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Ou je fabrique un médicament pour le cancer. C'est toi qui décides. Ah ouais, ouais c'est bon okay. Ça. C'est deux bonnes alternatives. Je vais travailler sur sauver un bébé, je pense que ça va être plus facile. Ouais, si vous avez un bébé presque mort, là, appelez Bruno. 837-3000, poste 16-10, on envoie Bruno. Hey, ben, en fait, il va falloir que le lutin il raccroche si jamais on se fait appeler. Non, mais je vous souhaite un joyeux Noël à tous les lutins. Viens nous voir au plus vite, mon gars. Là. Merci d'avoir appelé. Puis dis bon salut travail. À l'espèce de gros tas de poils rouges qui tient de boss. Là. OK. All right. Salut. Hey, merci bien, gros. Bye. Hey, c'était le lutin Bertrand à 70%. Mais oui, une exclusivité Choc FM. T'entends? Oui. Bon, ben, on se lance dans le roi Enoch. Moi, je vous mets les 6 premières minutes du DVD. Bonne chance. Bonne chance. On va comprendre son ambiance. Ça va être long. من بانام وكويدز بريدج ومونتريال. هذه هديه من غواينوك صاحبي. غواينوك كونيكسيون عربي. تنتان غواينوك جي ان كادو بور والله نيكو جي ان كادو يا اخوات القحبه. ان كادو بور مون امي كي لو تي دي لا باليستين. تنتان بوتنيغ ان كادو والله نيكو لو ديزير تيغو امريكان. ان كادو بور هادي ريدي هادي ريدي ان كادو هادي ريدي ان كادو اس يا معلم كاسكي سباس كونتر contre la cassette, contre la cassette de l'heure que Washington recherche. Le why not, les, hein, le plan hein? Exclusif de Gangster et Gentleman. Je crois que cette putain de cassette renferme tout ce que tu veux, t'entends? Tous les recherchés islamiques dans le rap musique sont sur cette cassette. Okay, ouais. En de petits putes nègres. Toutes les recherchées islamiques. Si on a un petit peu de musique. On a le générique, c'est comme le prologue, la mise en situation. Le cadeau qu'il voulait donner, c'était un Luger, là, c'était un fusil. Ouais. J'ai mis les 6 premières minutes, surtout parce qu'on va entendre bientôt Hugo Boss. Oui, qui est vraiment, vraiment éloquent. Éloquent. Et ton nouveau héros par le FM. Ah oui, s'il y a un lutin de porte-clés que j'aimerais porter, ce serait lui. C'est pas une marque de vêtements aussi en même temps? Non, ça n'a rien à voir. Non? Non, parce qu'il n'y a pas le H au début. Ok, il était là avant, de toute façon. Il était né avant, probablement. C'est quoi le petit son en arrière? C'est le fun quasiment, j'aime ça. Ah ouais, c'est comme de la guimbarde électronique. La guimbarde mélangée de la tigrenouille, là. Je t'ai dit, profite-en. C'est si la guimbarde peut parler. Ah, le roi, là. T'entends? Non, la guimbarde, elle est mieux de péter des dents. Guimbarde sauvage. T'entends? C'est le négro. La prochaine annonce est la vengée sur la nuit. J'ai la sorte de caisse sur la con, vraiment de bien. Augmente le monde. Cocaïne, rap, musique, narcotique, les revolvers pointés sur les pieds. Est-ce qu'il pourrait parler un petit peu plus proche du micro? Ah non, pas encore une fois. Du matériel classique, certifié. Ça me rappelle des procès de la cour municipale. Toujours bien enregistré comme ça. Personnel. Gangster et gentleman, chef exécutif. T'entends? Plus négro. Quoi? Qui est le seul à faire pomper ton adrénaline sans utiliser de morphine? Qui t'élève comme l'héroïne? Oui, la musique, l'opium. La morphine, ça donne un rush d'adrénaline. Drogue, c'est qui bien cultive connu. La drogue? Chut. Moi, je défends cette merde en français car c'est cette nouvelle merde. Parler de la drogue non exploitée. Le rap francophone n'existe pas avant Gangster et Gentleman. T'entends? Pour le hip-hop francophone, j'écoute pas. Je sais que j'en fais. Hugo Boss. J'aime ça, j'aime écrire, mais j'aime pas les hip-hop francophones. Je trouve que c'est limité comme industrie. Tu vois, les Européens, ils keuf meuf, je nique tout. Mais je comprends pas ton français. Si je comprends pas ton français, je vais pas acheter ton album. Ouais. Et les Québécois ici, j'ai mon cash, ma bitch, mon joint, mon pote, si ça, ils mélangent l'anglais, le joual, le franglais, tout ce que tu voudras. Et je comprends pas le français. Alors si je comprends pas ton français, je vais pas acheter ton album. Ça tu vois, moi, je suis un artiste dans le rap français, littérature française. Je suis auteur-interprète. Pour le vrai français, c'est de l'art. Vous voyez, ça c'est ma Bible. Il y a 4 ans, j'ai parti une Bible, on m'a la volée un an après, tu vois, ça c'est ma deuxième Bible. J'ai au moins 5 albums, aux dates de 60 textes écrits. Des refrains, des brouillons, et tous les trucs, tu vois. Bible 2. Cette fois, c'est très personnel. Mes enfants. Ah, c'est ma Bible. Ouais, mon clan. Il est là. Là, tu vois, ça continue. Yvon Crevé, c'est sur un artiste local. Donc, j'ai divisé son nom en 3 mots. Tu vois, une lettre et 2 mots. Alors, Yvon Crevé, lui et sa bande de PD, Yvon Crevé, tu vois. Ah, c'est sûr qu'il n'y avait pas pensé. Il mettre l'odeur dans les culottes. Ah, j'ai été intelligent. Moi, je comprends tu pas. Il pense qu'il vient de comprendre là, que ouais, c'est le premier à y avoir pensé. Je me défoule sur toi, comme la maladie. Il y avait Daniel Lemire, dans les années 80, qui faisait Yvon travailler. Moi, je le présentement, je mange du poulet. Rien à voir avec la maladie mangeuse de chair que c'est le bœuf. Tu vois? N'importe quoi! Quand tu le cuis, il reste rosé, donc mal cuit. Tu ne tues pas la bactérie, donc toutes les bactéries qu'il y a dans le bœuf. Alors, tu consommes le bœuf mal cuit, donc cuisine rosé. Cuisine moléculaire par et le cette maladie roi, se là, propage c'est... en toi et elle te gruge, ouais, elle te Hugo mange ah, Hugo, de ouais, l'intérieur, tu vois. Et la seule façon de combattre cette maladie, c'est de couper le membre. Si ça commence par le pied, ça monte dans le genou, ça monte dans la hanche. Alors, il faut que tu coupes le plus vite possible. Ça, c'est la maladie mangeuse. Donc, je me défoule sur toi comme la maladie mangeuse de chair. Ce serait la seule bonne excuse pour couper la queue de tes fraises. Rougeur dans les culottes, je vous ai fait cette phrase, hein. Ça a commencé où j'étais un fanatique du roi Enoch. Évidemment, roi Enoch, il dégage beaucoup, hein. Oui. Et puis moi, j'étais dans la rue, et voilà, et je vois le roi Enoch dans la rue, et en plus, jeune entrepreneur, il touchait à tout le roi Enoch, et ça me fascinait. Et j'ai commencé à l'appuyer dans ce qu'il entreprenait, ça fait au moins, je dirais, 14 ans où je côtoie le roi Enoch. Et j'ai vu une évolution énorme. C'est un type qui a travaillé fort et je lui lève mon chapeau. C'est vrai pour quelqu'un. Voilà. Musique! Ça fait 14 ans qu'il existe. C'est vrai, depuis ce temps-là, son médaillon touche à son pénis. Depuis son. il a rajouté des rallonges à la chaîne de son médaillon. Ouais. Quelle évolution. Ah, Hugo Boss. Vraiment, là, c'est un de ceux à qui j'aimerais le plus parler présentement. Donc. S'il est à l'écoute, hein? Ouais. Chez douteux.org, ça fait longtemps que l'on est fier d'aller chercher des questions à la source. Ainsi, c'est dans cet esprit que je me suis retrouvé en compagnie des grands de notre monde. Michael McNamara, Roger Normandin, Gary Daniel Gabriel, Jean Perron, Andy Wattie, Nathalie Simard. Il était donc logique d'aller voir notre seul vrai roi depuis celui au lac Saint-Jean de jadis. C'était quoi déjà? C'était le roi de Lens à machin. Moi, Lens-Saint-Jean, je m'en rappelle plus. Ouais, le roi de la patate aussi. Ah, ouais, mais ça, il n'a plus. Ah, il y a le roi du Cap à Longueuil aussi. Il y a Georges, le roi des bons marins. En tout cas, c'est aucune royauté ou aucun royaume qui ressemble à ceux du roi Enoch. Donc, ça fait déjà 5 ans que j'ai eu l'honneur de passer 3 heures en compagnie du roi. Sa Majesté nous avait reçus, moi et Stéphane Côté, dans son luxueux palais de Saint-Henri. Palais qui s'avérait être le studio de Gangster et Gentleman, son label prestigieux. Heineken et Hydroponique, tout y fut pour faire de cette visite un moment d'anthologie qu'il me fait plaisir de faire vivre dans mes souvenirs. La discussion hors caméra a tourné surtout autour du fait que, au Québec, on est en train de manquer d'idées nouvelles, surtout en culture. Et puis bon, cela fait manger sur le dos la laine. Lui, comme il avait fait son beurre aux USA avec des chevaliers comme 50 Cent et autres, il décida de revenir au Québec avec sa fortune faite en guerroyant dans les contrées du Sud, par-delà la frontière qui nous préserve encore des territoires ignorants. Le hic, c'est qu'il ramena toute l'idéologie propre au monde du rap, toute au point de traduire mot pour mot ce qui fit la renommée de la rapauté, cette noble lignée de ceux qui se lustrent le grill en diamant à coups de cyprine à 1000$ le service. Riche et peu original, le roi s'est rapidement fait une renommée en promenant ses armes, automatiques modifiées, dans les tournois de rap locaux. La légende veut que Yvon Crevé, menacé par le roi, s'est enfui vers d'autres contrées. Ainsi, le retour triomphal du roi en sa terre natale a chassé le bête. Invincible sur tous les fronts, il a déjà établi les premières bribes de sa lignée royale en mettant au monde le prince Enoch, aujourd'hui âgé de 12 ans. Ce jeune homme fut impliqué sans vergogne dans les affaires de l'État, habitué dès son plus jeune âge à s'intéresser aux messages fondamentaux du rap royal. Les armes sont indispensables à une argumentation soutenue. Vendre de la drogue est la meilleure manière de préserver un trésor royal exempt de répercussions morales désagréables. Et les femmes sont toutes des reines que l'on se doit d'honorer en pensée, jamais en parole. C'est même le contraire en parole. On vient de passer au travers d'un bout qu'il y avait Hugo Boss. Et puis, ben, si on dit qu'on a la valeur de nos amitiés et aucun homme ne peut se réaliser seul, si on ramène cette phrase à notre roi, on rencontre vite des gens aux idées influençables et aux argumentaires déficients. Mon préféré est sans contredit Hugo Boss. Loin de porter le nom d'une marque de linge qui était vieille avant lui, le gars se veut le plus preux et hardi des chevaliers du roi. Difficile de faire la marge entre la foi qu'il éprouve envers son patron et ses idées à lui. Ce nonobstant, le roi est fort, parce qu'il a avec lui des gars totalement motivés par un mandat qu'eux seuls comprennent. Toute idée peut devenir religion, la religion implique d'avoir la foi. Et si tout le monde pensait comme lui, pourrait-on vivre? Peu importe la réponse à cette question, on se bute à la conclusion improbable qui pointe « Allons-nous visionner une satire sociale réussie? » Parce qu'au fond, Peut-être que Gangster et Gentleman font exactement la même chose que nous. Exagérer des aberrations pour en faire une caricature solide. Une chose qui est sûre, c'est que j'ai vraiment envie de retourner y parler. Et puis, ben, avant de tourner la page sur ce gentil texte, comme on va aller dans le royaume du roi, je vous invite à apprendre le lexique suivant, propre à la rapauté de Gangster et Gentleman. Tantant. Interjection qui intime le récepteur à l'introspection. You know what I'm saying. C'est ça. Pute nègre, à connotation négative. C'est dit de quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas assez de fans ou qui ne démarre pas de mode. Synonyme de inoriginal, dépassé. Mathématiques, l'ensemble qui comporte tous les autres ensembles. Rive sud, terre promise qui sera bientôt restituée à la rapotée. Hydroponique, le nouveau miel de la terre, source de richesse et d'opulence. Négro, bronzé de naissance qui entretient un lien plus ou moins clair avec la rapotée de Gangster et Gentleman. Merci. Je sais pas si on va retourner là-dedans. Hein. Pense pas. Étienne, ça te tente-tu de mettre des tounes, toi? Ça me tente tout le temps, moi, de mettre des tounes. Ça te tente tout le temps, ouais. Tantôt, tu n'as même pas laissé finir la note. Elle était bonne, en tout cas, là. Il y avait c'était Chantal Paris. Ouais, Chantal Paris. Ouais, j'en ai fait assez jouer de Chantal Paris. Mais il y a quelqu'un, une fois, là, il y a deux, trois semaines, qui m'a dit « Ah, t'en as pas fait jouer beaucoup de Chantal Paris. » Fait que là, c'est ça. Vengeance. Il y a quelqu'un qui t'a dit que t'avais pas fait jouer beaucoup de Chantal Paris. Je pense que c'est Tommy, en plus. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait. Fait que là, j'en ai mis beaucoup. Là, on est correct pour un petit bout. Donc là, on venait de quitter René et Nathalie. Avec leur Noël des enfants. On va changer un petit peu de registre, mais rester dans moi, ce que je pense être la même famille. J'ai apporté un magnifique disque de Guy Aubin. Ouais. Noël avec Guy Aubin. Donc, je passe la pochette à ceux qui ne l'ont pas vu. Guy Aubin, moi, je pense, selon qui, moi, ça? Que c'est le Evil Twin de René Simard, qui ont été séparés à la naissance, puis qui a été enfermé dans un grenier quelque part, puis là, il a grandi comme ça. Il est exactement... Ah ben, c'est vraiment vrai qu'il ressemble. D'après moi, en fait, Guy Aubin devait être son jumeau siamois, la face accrochée après le cul, genre, quelque chose. C'est ça. Exactement. Il a le même genre de face, il a le même genre de sourire, il a la même coupe de cheveux, il a la même voix. Mais il a juste pas pogné. Fait que je vais vous faire jouer. Il avait juste pas le même gérant. Non, c'est ça. C'est la seule différence. Mais comme quoi, hein. Ouais, ben, il s'est peut-être pas fait pogner aussi. Exactement. Oh! Ça faisait longtemps, là, une petite joke de Guy Cloutier. Ouais, ça fait toujours du bien. Fait que je vais vous faire jouer le gros hit de son album de Noël, Petit Enfant Saint. Et une autre tune qu'on entend c'est pas le gros hit, il est écrit incluant. Avec une petite enfant sainte dans une espèce d'explosion. Je sais pas comment en graphisme, je pense qu'on appelle ça une pastille. Ouais. Mais voilà. Que, genre, dans une que pastille en explosion. Fait qu'on écoute ça un peu le début parce que c'est long. À la mode. Ça griche un peu aussi en passant. Je l'aurais pas remarqué si tu l'avais pas dit. C'est ça. Ça rajoute quelque chose. C'est dramatique, petit en tout cas. Enfant saint, pourrais-tu prier pour moi? Vous voyez, ça, c'est pas mal René Simard, ça, comme registre. Petit enfant saint, car j'ai beaucoup péché. Ouf. C'est un pêcheur. Hein? Oh. Que dois-je faire? Tu vois, il se sent coupable. Oh, pour être peu. Comme toi. Fait que là, c'est un jeune de 8 ans qui est choqué de ne pas être aussi pur que Jésus. Que le petit enfant. C'est quand il a perdu son innocence? Je pense qu'il l'a pas quand son perdu. Gérant l'a visité la nuit. Des soupçons, ça se mange pas par là. Mais c'est pas le même gérant que l'autre. D'ailleurs, son gérant, lui, se fatigue en cachage, je vais l'arrêter. Déjà, juste la voix. On a quand même un bon. Non, mais je peux chanter, hein, si vous Coutil. Voulez. On est rendu petit enfant. Veux-tu mettre ta tuque dans sa bouche? Juste quelques instants. Donc, son gérant, lui, c'était Robert de Montigny. Robert de Montigny, qui lui-même a fait des chansons poches de Noël, entre autres. Alors, entre autres, celle-ci, qui griche beaucoup elle avec. Je suis désolé, ça vient de disques vieux. Vitrine de Noël, et ta boîte. Une fenêtre ouverte sur le ciel. Il y a un petit tapis de 4 pouces dans la gorge. Il se la voulait à la Henri Salvador en plus. Est-ce que vous reconnaissez cette chanson-là? Je vous en pars une autre version, plus récente. Ben, je la reconnais pas. Il y a ouais, ben c'est ça, c'est ça que j'allais dire un peu, ouais. Vitrine ouais, c'est ça, hein? De Noël. s'agit bien sûr de Frédéric de Grandpré. Moi, je me disais que ça me faisait penser à du Frédéric de Grandpré. Il a volé sa toune sur son magnifique album Un Martini pour Noël, que je continue toujours à dédier à Audrey, ma cousine. À ta cousine, mais oui, on l'aime. Robert de Montigny a également fait cette chanson-là, Noël avec toi. Un petit orgue de sous-sol. Ça. Alex, garde tes affaires proches, hein, parce que bientôt, ça va être à ton tour. Ça, oui, on est vraiment sous le bord. Je voudrais pour Noël. Là, je vais mettre un autre petit bout de Frédéric de Grandpré. Parce que je m'ennuie un peu. Je sais que ça jouait pour vrai. Je voudrais. Ah, voilà, encore! Oh. Frédéric de Grandpré, il a rien que tout piqué ses tunes à Robert de Montigny. C'est incroyable. Il a vraiment trouvé sa voix. Hein. Quand il a découvert ça. Il faut que ça. Le monde sache. Oui, c'est justement pour ça, le monde sait à cette heure. Là, j'ai une autre tune. Guy Aubin, on trouvait qu'il avait une voix désagréable, mais c'est rien en comparé de cette piste qui vient de l'album Le Studio Brasseur. Le Studio Brasseur, je sais même pas c'est quoi, puis je sais pas c'est qui l'enfant qui chante. Mais tout ce que je sais, c'est que quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, il faut absolument que Tommy entende ça. Fait que, on va l'attraper le plus longtemps possible, puis après ça, ça va être Alex. Oui, je vais conclure ce bloc avec la chanson Allô le ciel. Écoutez, la petite fille, elle veut fêter Naël. Naël. Naël. D'habitude, il prévoit assez bien mes réactions. Décembre est arrivé et dans tous les foyers s'apprêtent les enfants à le fêter gaiement. Naël donc vient des cœurs des fous de le bonheur. C'est et l'espoir merveilleux descend des yeux. Allô? Allô le ciel? Écoutez mon appel, je voudrais dire un mot au bon papa Naël. Allô? Tous les petits, les paris sont gentils. Remplissez leurs sabots, allô, les yeux. Allô. C'est tombé bon. C'est plein de féerie. Pour tous les écoliers, apportez des plumiers, des crayons, des pastels, pour qu'ils baignent le ciel. À nos parents, donnez l'oncle Billy santé. Et les enfants gâtés pour enchanter. Naël? Allô? Ah, écoutez mon appel, je voudrais dire un mot au bon papa Naël. Allô? Ah. Les petits, c'est quand ils sont gentils. Remplissez leurs sabots, allô les siens. Allô. Les petits crescendo sont savoureux. Est-ce que... Je vais me pratiquer. Il reste juste 4 minutes 28. Ah, on l'écoute encore. C'est pas vrai? Non, il reste 30 secondes. Okay, on croit même des bûches de bois au creux des cheminées des héritées. Une émotion ici. Ah, ben... Allô? Allô, monsieur? Je crois que l'Éternel entendra mon appel en ce jour de Naël. Allô? C'est bien compris? Coupez-moi, j'ai fini. Plus d'enfants malheureux, le ciel sera plus bleu. Oh, t'es tellement cute! T'étais tellement cute! On la remet encore! Oui, allô? On la remet encore. On va mettre un indicatif juste pour pas qu'on oublie c'est quoi qu'on écoute. C'est Paul Sarrazin. À 70%, au moins 40% de plus que la plupart des notes que j'ai eues à l'école dans mon enfance. J'ai pas vraiment passé, mais 70%, j'aurais été content d'avoir ça. Tout le monde est content d'avoir 70%. Ah! Donc, Alex, tu nous amènes vers quoi cette fois-là? Ben, on va rester dans Noël. Je pense qu'on n'était pas encore tout à fait écœuré. Oh, je pense que tu vas rendre Evelyne contente en sapristi. Fait que c'est ça. Fait qu'on va y aller avec une petite toune qui s'appelle Poker Face dans nos campagnes. En fait, c'est deux tounes. Je sais pas si c'est un medley, je sais pas si, mais en tout cas, il y a les deux tounes dans une. Puis ça moi, j'appelle poker. Ça un chef d'œuvre. Un chef d'œuvre. On va fermer mon micro pour pas faire trop d'interférences. Mais il doit trembler maintenant. Donc, Poker Face dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Whoa, whoa, whoa, I'll get him hot, show him what what I got. Can't read my, can't read my, no we can't read my poker face. She's got to love nobody. Can't read my, can't read my, no we can't read my poker face. She's got to love nobody. Glow, glow. Complètement ouais. Malade, mais c'est sûr, je vais me taper ça au moins 15 fois en boucle en allant en Abitibi. Tommy, prépare-toi. Bah, je suis prêt. Je te passerai à l'eau le ciel pour faire changement des fois. Et du côté de notre lecteur de nouvelles extraordinaire? Oui, voilà, alors on continue. Malheureux de leur choix pour la mairie de leur ville, certains citoyens de New York ont plutôt choisi de voter pour le candidat de leur choix en écrivant son nom sur le bulletin de vote. C'est une pratique assez courante aux États-Unis. Le National Ledger compile ses votes et cette année, Rodney Dangerfield, Alfred E. Newman, Victor Von Doom, Mickey Mouse et Sleeping Beauty ont tous reçu des votes, mais c'est M. Burns qui emporte cette élection avec 25 votes. Victor Von Doom. C'est qui veut que ça soit Dr. Doom, la mère de sa ville? C'est bizarre, ça. Ben, plus que leur choix, en tout cas, je suppose. Écoute. Ouais, ben, par rapport au maire Tremblay, j'avoue que c'est un close call. Là. Ben, mettons, dans une législation comme ça, un gars qui s'est même pas présenté pourrait comme se ramasser roi. Ouais. Ou maire. Ouais, ben, ça arrive pas souvent. En général, c'est déjà arrivé qu'un write-in, ce qu'on appelle un write-in, gagne. Mais en général, c'est quelqu'un qui a fait une campagne. Ouais, c'est quand même. Ouais, ouais, ok. C'est juste qu'il n'était pas écrit sur le bulletin. Que toutes les c'est rare que c'est, mettons, genre un personnage fictif qui va gagner une imagine, campagne. Ou un petit bout. Ah, y a un autre, let's go. D'accord, il y a Evgeny Moskalev, un professeur de l'Université de technologie de Saint-Pétersbourg, qui a découvert une technique permettant de transformer l'alcool en poudre et de la transformer ensuite en comprimé. La technique peut solidifier n'importe quelle sorte d'alcool, que ce soit du fort, du vin, de la bière, peu importe. La vodka sèche permettra aux consommateurs de doser sa consommation pour les fêtes. Ben oui, c'est ça que ça va faire. C'est sûr. Ça fera c'est pas ça, qu'on va pouvoir être sous dans des shows. Non, là. C'est ça. Ça va servir. Ouais, être sous plus vite. Pourquoi qu'ils font rien avec le THC, il me semble, j'aimerais ça. Une pilule de THC. C'est fait. Ah ouais. C'est fait. Ça va se faire, ça. Bon, ben, all right, merci. T'en restes comment de ça? On sait quoi t'acheter pour Noël. T'en restes deux? Uh-huh. On va écouter Evelyne un petit peu. Là, ouais. Hein? Elle nous a ramené plein de dossiers choc. Ah ouais, plein de dossiers choc. Par quoi on commence? Par le jeu? Ou par... Ben là, on vient d'écouter Alex et Arnold. Puis tantôt, Étienne Forêt, il voulait que je fasse plus de lois niaiseuses. Ouais, là, je me suis dit que bon, ben, Alex et Arnold, Arnold Schwarzenegger, Californie. Enceinte, Californie. J'ai écouté un film de Noël à tes ciné-cadeaux l'autre jour, Arnold. Ouais. Il y avait des muscles. Puis là, il courait après après Sinbad, pour avoir le bébel, robot. C'est ça. Là, ouais. Un excellent film. Fait que en Californie, vite de même, la lumière du soleil, en anglais sunshine, est garantie aux masses. Ah, OK. Fait que si s'il n'y en a pas, on peut aller se plaindre. Oui. Puis on peut être remboursé. Oui. Personne ne peut conduire une bicyclette dans une piscine. Interdit. Interdit bon. En Californie. Mieux t'attends. Arnold est là pour faire régner la loi. Mm-hmm. OK, c'est vous pouvez pas porter de bottes de cow-boy à moins que vous ne possédiez déjà deux vaches. Donc... Faut au moins avoir un début de troupeau. Oui, donc notre argument pour se ramasser un bœuf... ça pourrait nous permettre... Dans notre petite cour, pour se réchauffer. Oui, ouais. Mais avec l'âne, le bœuf aussi. Ouais. Ouais. Tout le kit. On va pouvoir porter les bottes de cowboy. Oui! Ben, si on est en Californie. Depuis, ouais. Ouais, puis qu'on les amène. Ouais, là, j'ai retranscrit ça. Non, t'as juste besoin de les posséder. Ouais, ouais. Ah oui, il est illégal de posséder une peau d'animal, c'est les animaux morts, là, que on a la peau. Okay. Impossible d'en posséder une verte ou une qui sent mauvais. Une verte? Ah. Une verte, genre un côte de cuir vert. T'as de côte de cuir de crocodile. Fini, man. C'est là aussi qu'il est interdit aux hommes à moustache d'embrasser les femmes. Ah. Ah. Ça, il est interdit de déranger les lézards dans le parc. Ah. Ah. C'est pas gentil. Laissez tranquille. Ah oui, sur Hollywood Boulevard, il est interdit d'apporter 2000 moutons à la fois, d'y conduire 2000 moutons à la fois. Okay. Plus ou moins, c'est comme ton troupeau de moutons, genre. Comptez, monsieur l'agent, j'étais à 1930. J'étais à 2021, ça marche-tu, ça? dire l'avenir, les diseuses de Bonaventure, là, dire l'avenir contre une donation est illégal. Dans le contrat. Enfin, bon, mais ça, en fait, c'est ça, c'est pas niaiseux, là. Non, c'est ça devrait être ça partout. C'est assez intelligent. C'est pas niaiseux. C'est ça, c'est pour ça que je l'ai noté, mais bon. Bravo, bravo, Arnold, il a fait quelque chose de bon. Ouais. Je suis sûr, c'est son idée. Sûrement. Ouais. C'est très récent. Ouais, en parlant d'Arnold qui fait régner la loi, vous savez que Steven Seagal fait régner la loi aussi. Oui. De quoi? Chuck Norris non plus, oui. Steven Seagal, c'est pur, là. Il est engagé comme shérif pour la police de quelque part. Puis ouais, il a son télé-réalité. Ouais, ouais, ouais. Il a sa télé-réalité. Puis il court après le monde, là, comme Doug de Bounty Hunter. Yay. Mais là, c'est Seagal, the man with an ex-career in cinema. Il a fait des disques, lui aussi. The Fat One. The Fat One. Mais t'en as-tu une autre? Ah, gars, je finis ça vite, là. Interdit de licher des crapauds, sacrer sur les terrains de mini-potes, donner un bain à deux bébés en même temps dans le même bain, pleurer au banc des témoins à la cour, les personnes considérées comme laides ne peuvent se promener sur aucune rue. Bon. Oh. Mais ça, il y a beaucoup de nouvelles là-dedans, par contre, il y a beaucoup de nouvelles là-dedans que c'est local, que c'est des villes en Californie. C'est pas tout l'État en particulier. J'ai pas nécessairement démêlé ça, là. J'ai fait ça vite, par plaisir. C'est gentil, j'ai l'appris. J'avais un autre petit... Hier, j'étais à la maison avec mon ami et on a décidé, avec une bouteille de vin rouge et une bouteille de Baileys, de jouer à Trivial Pursuit. Ah, ça, c'est quelques arpents de piège. Oui. Avec les petites tartes puis des petites pointes. Puis on réussit les questions, on va d'un bord puis de l'autre. Puis là, Mané, on tombe sur la question. C'est moi qui l'ai posée à mon ami et je vous la pose en même temps. Alors, question bleue, catégorie géographie. Quel tout petit établissement se trouve à la rue Rachel à Montréal? Ah, c'est le Palais des Nains. C'est le Palais des Nains. Merci. Ah ouais? Le king de Trivial Pursuit. Ben oui, c'est ça, tu l'avais chez vous. Oui, c'est le plus de choses que je ne savais. Mais ça n'existe plus, c'est fermé malheureusement. C'est fermé depuis les années 70 et puis tout ça m'a mené à faire une petite recherche sur le Palais des Nains puis j'aimerais ça la partager avec vous. Ben oui, vas-y. C'est très intéressant comme sujet. Oui, Philippe Adélard Nicole est né le 27 septembre 1881. Il était le seul enfant de petite taille sur les 13 enfants. Sur les 13, il y en a 6 qui ont survécu. Toutes les autres sont morts en bas âge. Ils viennent de Saint-Henri-de-Lévis à Québec. À 12 ans, le petit garçon quitte l'école pour s'engager dans un cirque. Il est connu comme artiste clown. Il a un sens du contact exceptionnel et on disait de lui qu'il se sentait à l'aise partout. Je trouvais ça pertinent. Oui, c'est cool pour un enfant. Ben oui, parce qu'en général, quand t'es petit, tu fites à peu près n'importe où aussi. Là, c'est comme une petite voiture, tu peux la parquer plus facilement. Voilà, le sens de la faufile. Exactement. On dit aussi qu'il avait le sens des affaires. Fait que ça a été assez rapide avant qu'il se starte sa propre business. C'est par l'entremise du gérant de Louis Cyr. qu'il va rencontrer Rose Dufresne, une autre personne de petite taille, sûrement dans un autre quelques cirque. C'est de freak. Ouais, sûrement. C'est un fanatique des déplacements qui vont énormément voyager ensemble, mais ils décident de faire pied à terre sur la rue Rachel, entre les rues Boyer et Mentana, juste en face du parc La Fontaine, pour y établir leur magnifique palais de nains. Tout était construit sur mesure. Ça attirait super gros de touristes pendant les années 50. On dit même qu'il y avait des autobus de Chinois qui venaient visiter ça. Les Chinois, complètement fou. Mais quelque chose manquait à leur bonheur. Un enfant nain. Un enfant nain. Petit enfant nain. Un effet. De cette union, naquit par césarienne Philippe Nicole Junior. Il a compris par césarienne. Philippe Junior? Oui, Philippe Nicole Junior qui pesait 3 livres et demi à la naissance. Et puis, fait intéressant, c'est le seul couple de nains au monde à avoir donné naissance à un nain viable à cette époque. Ça, un nain viable? Donc, il peut vivre. Qui est pas mort. Parce qu'avant ça, il faisait des nains pas fiables. Ou bien, c'était pas des nains. Pas des nains. Les couples de nains, souvent, mais regarde encore, il est né par césarienne. Là, le petit, s'il était pas né par césarienne, il serait pas. Il serait tout fait effoirer. Donc, la tête n'aura pas passé. Explose! Et puis, c'est ça, finalement. Le palais des nains. Ben, les parents sont morts, puis vu que le petit avait pas le sens des affaires autant que ses parents, lui, il a fait carrière dans la lutte parce que, de son propre dire, les gens aimaient voir des nains lutter. C'est vrai. Moi, j'aimerais vrai, ça encore en voir. Là. Ouais. J'en vois Et pas assez puis, souvent. Et puis, il est décédé en 1992 dans, je cite, « la déchéance la plus complète ». La plus abjecte. Complète. Pauvre Philippe Junior. Voilà. Et voilà. Donc, c'était histoire ça, l'histoire. Tragique. Ouais, l'histoire du palais des nains qui a fermé. C'était cool, le palais des nains. Tu pouvais aller là, tu payais un montant, tu rentrais dans leur maison de nains où tout était petit, puis là, c'est tu te promenais dans la maison, eux autres, ils vivaient là en même temps. C'était leur musée, c'est comme ouais. le musée de l'absurde, en fait. C'est un ça. Petit peu, c'est ouais. comme un reality show, pas mais de télé. Mais tu y as été, tu sais? Non, j'ai jamais été. Non, j'ai non mais il est genre assez au travers de non, sa mais bouche. C'est parce que je suis quand même assez vieux. Puis j'ai déjà été au Parc La Fontaine quand c'était bien, plus que 30 ans. Puis j'ai jamais entendu parler de ça. Moi, j'aurais aimé ça y aller. Moi, j'en ai entendu parler, mais non, je pense que c'était fermé quand j'étais là. Évelyne Potvin-Cloutier, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On commence à être semi-tassé vers la fin de l'émission. Je vais mettre une petite capsule ici, encore une fois, pendant 40 secondes, Hugo Boss. Après ça, tu vas nous faire des nouvelles. OK. Ou non? OK. Non. Avant, moi, je vais avoir une autre toune d'Alex pour que c'est celle de la queue des fraises, là, si c'est possible. Là. OK. Puis, juste après Hugo Boss. Puis après ça, toi, tu vas faire des nouvelles pendant qu'Étienne va te mettre une trame sonore. OK. Après ça, on va souhaiter un très joyeux Noël à tout le monde. Oui. Avec plein de confettis puis de Mount Vichy. T'entends? Alors, mon rap, moi, il est mongol. C'est un rap controversé, le rap mongol. Qu'est-ce qu'un mongol? Un mongol, c'est un type qui tient pas debout, là, un fou, un détraqué. Tu vois, ça, c'est un mongol. Nous sommes des mongols dans un sens, dans notre style de musique, dans l'image qu'on projette. Nous sommes mongols. Parce que la société, ils sont un peu sous le choc. Tu vois, des jeunes arrivés avec des gros Ruger et des doubles canons. Tu vois, ils sont sous le choc. C'est sûr. Et c'est ce qui fait qu'on fait du rap mongol. Rien n'est fictif, tout est vrai. Nous créons terreur et désordre pour la compétition. Tu vois? Alors, c'est ça. Ça, c'est le rap mongol. Queens et plus. Et voilà, c'était la petite bulle de sagesse de notre ami Hugo Boss. Ça fait vraiment du bien. Je suis allé voir la compagnie de linge Hugo Boss a commencé en 1993 en Allemagne. Ah, fait que tu vois, ça aurait pu être parti par lui. Donc, oui, ça aurait pu. Il y a peut-être un lien. Alex, parle-nous un petit peu de la chanson que tu vas nous faire, là. Ouais, ben c'est une chanson, je dirais, majeure, là, parce que c'est un peu comme celle qui explique... ton lien? Mon lien avec Arnold, là, c'est... Ouais, c'est pas la première que j'ai écrite, mais c'est, à un moment donné, il fallait qu'elle sorte. puis, si tu me permets, là, moi, depuis, là, je mange toutes les queues de mes fraises. T'es pas le seul qui dit ça, c'est... le pire, c'est que j'ai pas essayé moi-même, mais... je le fasse. Et voilà, bon, on écoute ça. Yes. Dis-moi comment faire pour devenir un homme musclé comme toi. C'est ce que j'ai dit à Arnold.

Oui, alors appelés sur les lieux d'un incendie, des pompiers de Philadelphie se sont retrouvés devant une bombe fontaine bloquée par le camion d'un officier de stationnement de la ville. Les pompiers, visiblement perturbés, ont demandé poliment à l'agent de bouger son véhicule. L'agent en question a couru jusqu'à son camion, affirmant quelque chose ressemblant à « Désolé, je n'étais là que pour quelques secondes, je le bouge immédiatement ». Il me semble que j'ai déjà entendu quelque part ça. Hey, hein? Ben oui, je suis là pas longtemps. Un autre! D'accord, la police enquête sur le cas d'un avocat de Hutchinson, Kansas, qui a utilisé une grenade désamorcée lors d'un procès récemment. Sam Kepfield défendait Anastasia Daly pour des accusations de falsification et de vol. Daly affirme que le co-défendant de cette cause, John Bradshaw, aurait menacé de tuer son chien et de blesser sa fille si elle ne coopérait pas avec lui. L'avocat aurait utilisé la fausse grenade afin de démontrer ce qu'était une menace imminente en la plaçant devant les jurés en leur demandant s'ils se sentaient menacés. Les jurés ont déclaré déclaré Daly coupable et ont affirmé ne pas avoir eu peur de la grenade, mais ouais, le bureau du shérif a lancé une enquête car il est illégal d'entrer dans la cour avec une arme réelle ou une imitation dans le but d'intimider ou de causer la panique. Ouais, dans le but de... Ouais, voilà. Il va être capable de s'en sortir, l'avocat. Ouais, sûrement. Bon, ben, c'est la fin de l'année 2009 de 70%. Non! Mais oui. On l'a fait vivre au minimum possible. Merci beaucoup, Alex, nouvel ami. Merci à vous. C'était ouais, tellement bon. Étienne Forêt. Il faudrait qu'il nous fasse peut-être un petit... Il est en train de faire un Pucci, là. C'est son Pucci 2009. Là. Ouais, moi, j'ai un cadeau pour tout le monde. Ah, attends, oui. Allez à www.radiocoche.org/pucci.zip, P-U-C-H-I.zip. Vous allez dézipper ça, puis je vous ai fait un Pucci virtuel pour tous ceux qui en veulent. Ah! Voilà. Est-ce qu'on a un indicatif d'Alex et Arnold? Ça nous prend. On n'a pas d'indicatif? Je peux l'essayer, là. Je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas répété, fait que je vais peut-être tout le fourrer. C'est là, pas là. Grave. Pas grave, pas grave. Ça peut pas être pire. Pas être pire que tout ce qu'on Donc, je suis Alex de Alex et Arnold, et comme le fait Arnold et moi, quand je file comme un chien malade, puis que j'ai le goût de tout pitcher par la fenêtre, et qu'Arnold me susurre ses conseils, j'écoute 110% à chaque FM. 40% de trop. Sinon, c'était très bien. Sinon, c'était impeccable. Merci encore une fois, les auditeurs. Vous autres, on va revenir au début janvier. On ne sait pas c'est quand. Ouais, 4 janvier. Ouais, c'est le 4, je pense. C'est le premier lundi. Le 4 janvier au soir. Evelyne, merci. Le 4 janvier? Le 4 janvier au soir. C'est bon, même temps, même heure, même Moi, je serais peut-être pas là, mais en tout cas. Même douteur. Ah, tu vas peut-être être à Québec? Je vais peut-être être... Non, je vais peut-être être à quelque part d'autre. Ouais, en fait, je vais faire ma chronique quand même, sûrement. Bon, ben, mais je vais probablement être en direct de New York. Oh! Oh! Ouais, hein, ça va être une première. International ça Carbon. Bon, ben, faites attention aux marches. Puis ouais, salut. Ils sont partout. Ouais, c'est ça. On vous laisse avec le roi Enoch parce qu'il tente. Parce qu'il a raison. Mes compatriotes, le blanc québécois, du Québec, du Canada, pousse l'hydroponique, l'exotique. Tu comprends? C'est ça le Québec. C'est comme ça que ça se passe. Toujours entouré de ce parfum d'herbe douce. L'hydroponique. Qu'est-ce que l'hydroponique? L'hydroponique, mec, c'est l'herbe, quoi. À longueur de journée, 24 sur 24, 7 sur 7. 24 sur 24, chaque jour, Heineken. C'est tout ce qu'on voit. Pute-nègre. Je suce pas le pénis de Queens Bridge. Rive Sud, négro, Rive Sud. Les rougeurs sont de chaque côté de mes hanches. Loadé à bloc, jamais sur sécurité. Pour les gangsters, 2 pour les cambrioleurs, 3 pour les revolvers. Sterling. Tout doucement. Gros que je connais même pas. 4. Deux hélicos. Ça bloque pas, ça. Ça transperce. QBC, Québec Cité, t'entends? Avec des déserts et gueules en poche pour toute reproche, un croche. Trafic des roches pour notre agrément, t'entends, jeune PD? C'est comme ça que ça se passe. Tu vois? Pas de secret, t'entends? Mon Sterling est rangé. Aucun secret. Prêt à te mouiller, bande de putes nègres. Mon Sterling vous mouille 32 de vous en silence. Je l'ai acheté, imagine-toi, j'ai acheté ce truc que pour des négros. Des négros que je connais même pas. Bon, je dépense 6 000 $ pour des négros que je connais même pas. Du monde qui dépense même pas 500 € pour leur femme. Moi, je dépense 6 000 € que pour toi, pute nègre. Je suis le seul qui pense aux autres noirs. Ah, bon, ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, il y a un gars qui s'est fait tuer là. En fin de semaine, regarde ici et là. Ouais. Et la police et tout, comme je vois le sang ici. Une journée au complet. Détective en armes à feu, en toutes sortes de merde, là, toutes sortes de diplômés. Juste pour un meurtre, là. Des diplômés à la con qui sont venus, là. Ici, ça se passe. Le meurtre est 24 heures ici. Le conseil que je peux vous donner en tant que gangster, sortons du sujet, c'est que si l'homosexualité vous attire autant, enfilez votre femme, y'a pas de problème. Au jeu de la folie, les yeux s'entremêlent, au corps silencieux, serait-ce celui-là?